Avec moi se dit mit mir. Mit mir. Encore une fois? Mit mir. Mit mir. C'est donc avec moi. Mais pour moi se dit für mich. Avec für, qui veut dire pour, on emploie la forme mich. Et avec mit, qui signifie avec, on emploie la forme mir. Reprenons. Avec moi se dit mit mir. Mit mir. Et pouvez-vous manger avec moi? Können Sie mit mir essen? Bien. Können Sie mit mir essen? Et maintenant, comment diriez-vous lavez-vous pour moi? Avez-vous cela pour moi? Haben Sie es für mich? Für mich. Mich. Donc, haben Sie es für mich? Comment diriez-vous qu'est-ce que vous avez pour moi? Qu'avez-vous pour moi? Que se dit was? Was, oui. Donc, qu'avez-vous pour moi? Was haben Sie für mich? Für mich, oui. Et für s'écrit F-U umlaut, c'est-à-dire tréma, R. En allemand, le U se prononce U, mais le son U existe également. Et c'est justement ce U avec un tréma appelé umlaut, donc für. Bien. Et pour moi se dit für mich. Für mich. Encore une fois? Für mich. Für mich. Et c'est pour moi? Es ist für mich. Es ist für mich. Donc là, on emploie mich. De la même manière, pour demander « Pouvez-vous me comprendre ?», vous direz Können Sie mich verstehen ? C'est ça. Donc là aussi, on emploie mich et non mir. Pour traduire me, moi, vous devez d'abord vous demander si ça veut dire à moi ou non. Dans le sens de à moi, il faut utiliser mir. Dans les autres cas, c'est mich. Ici, vous dites bien pouvez-vous me comprendre et non pouvez-vous comprendre à moi. Donc encore une fois, pouvez-vous me comprendre, ça donne Können Sie für mich verstehen? Non, pas für mich. Ça, c'est pour moi. Je ne veux pas que vous deviniez la réponse, ni que vous vous décidiez au hasard, mais que vous réfléchissiez étape par étape en prenant votre temps. Pouvez-vous me comprendre? Comment dit-on cela? Können Sie mich verstehen? Voilà, c'est ça. Können Sie mich verstehen? Comment diriez-vous pourquoi ne pouvez-vous pas me comprendre? Pourquoi c'est un de ces petits mots qui commence par V, le W allemand. Pourquoi, c'est celui qui dit pourquoi ça fait vroom vroom. Donc pourquoi c'est V. Warum? Warum können Sie. Warum, oui. Pourquoi ne pouvez-vous pas me comprendre? En revanche, lorsque vous voulez dire me, moi, vous devez déterminer si vous entendez par là à moi ou pas. Bien, revenons à notre phrase. Pourquoi ne pouvez-vous pas me comprendre? Warum können Sie mich nicht verstehen? Oui. Redites toute la phrase maintenant. Pourquoi ne pouvez-vous pas me comprendre? Warum können Sie mich nicht verstehen? Oui. Me comprendre, ce n'est pas comprendre à moi. Donc, on emploie mich. Mich verstehen. D'où, warum können Sie mich nicht verstehen? Et comment dit-on que? Que se dit? Was? Was? Eh bien, si vous ajoutez et devant was, vous obtenez etwas. Etwas signifie un petit peu ou quelque chose. Quelque chose, etwas. Comme dans « Pouvez-vous m'apporter quelque chose maintenant ?» qui se dit Können Sie. Bien. Können Sie. Pouvez-vous m'apporter, apporter à moi, apporter de quoi boire et manger pour faire la bringue? Donc, apporter, c'est... Bringen. Bien, bringen. Alors, pouvez-vous m'apporter quelque chose maintenant? Können Sie mir... Maintenant. Maintenant, la fête est finie, pas yet stop. Jetzt etwas bringen? Bien. Können Sie mir jetzt etwas bringen? Et comment dira-t-on que pouvez-vous m'apporter maintenant? Was können Sie mir jetzt bringen? Tout à fait. C'est exactement ce que je veux que vous fassiez. Vous ne vous êtes pas précipité, mais vous avez réfléchi à chaque étape. Et votre réponse est correcte. Was können Sie mir jetzt bringen? Et maintenant, comment dira-t-on pourquoi ne pouvez-vous pas me l'apporter maintenant? Warum können Sie me l'apporter se dit l'apporter à moi. Es mir maintenant. Jetzt. Oui. Nicht bringen. Bien. Warum können Sie es mir jetzt nicht bringen?